Yeah. Verso. Ha. Pour commencer, il n'y aura pas de politesse. Mais je ne ferai pas l'erreur de faire preuve de faiblesse. Alors pour rester poli, je vous appellerai monsieur. Même si me tente envie de devenir injurieux. Cette lettre vous est destinée ainsi qu'à tous vos associés. Cette bande de politiciens laissant le peuple en chien. Moi je crois dans le partage, dans la diversité, dans l'échange. Et où est ma théorie? Et bien loin de vos idéales. Bah ouais, plus je réfléchis, plus je trouve vos idées sales. Salement raciste, salement extrémiste. Un peu simpliste, copier-coller le pénis. Le fondement dans la division grâce au pouvoir du pognon. Centralisation égocentrique autour d'individus. Ça vous fout la trique, et trop se sont perdus. Vitement des autres, par peur d'une carotte. Quitte à devenir fou, on court après les sous. C'est qui se réussite avec tout l'intérêt que ça suscite. Des regards malveillants, on devient méfiant. Paranoïaque, tu files chez le psychiatre. Drogué au cachon, plus malléable le pion. Un climat de peur, alimenté pour vendre des idées. Vous parlez sécurité, et le peuple va voter. Effrayé et pété. Et le tour est joué pour enfoncer le clou. On fait d'une paire de coups. L'immigration est inventée en lien avec insécurité. Le coupable est tout trouvé, pourtant c'est vous qui l'avez amené. Il y a ça quelques années où la main d'œuvre manquait pour reconstruire votre France, synonyme de souffrance. Des populations délaissées, abandonnées dans des quartiers. Au point du doigt, qui volerait votre pain. Le lien est universel, cueilli sur la marche du sel. Et ouais, dans mon monde, pas de charter dans les airs quand le tonnerre gronde. Personne ne dort à terre, pas d'attente interminable pour des papiers minables. Une politique d'immigration et celle de Nazillon. Immigration choisie pour voler les génies. Tout ça, ça m'en fout. Les raps contre les roms, des familles, des mômes. Stigmatisation de l'islam, les guerres contre le voile. Les barbus sont mal vus, ils ne boivent pas de grands crus. Escroquerie, polygamie serait leur mode de vie. Moi je crois à la liberté de culte pour répondre aux insultes. Politique d'un culte face à un peuple qui mute. Une France des couleurs qui est mise à l'honneur. Le temps d'une coupe de monde, apprend des gages sous le monde. Explication des chiffres du chômage pour nous mettre en cage. Sois docile comme un mouton, obéissant au grand patron. Ne perds pas ton emploi ou tu finiras sans toi. Il faut travailler plus pour gagner plus. Alors si t'es à la rue, c'est t'as pas bougé ton cul. Tel message véhiculé, à la tâche tu dois te tuer. Et longtemps ça va durer, afin de cotiser assez. Pour que ta pierre soit payée et ton trou bien réservé. À la tâche tu dois te tuer, et longtemps ça va durer. Afin de cotiser assez, pour que ta pierre soit payée. Et ton trou bien réservé, et ton trou bien réservé. Ceci est ma lettre, ma lettre aux dirigeants. Tout ça en loi nous attache, j'y réponds explicitement. Ceci est mon texte au président. Tous vos mots sont injures, j'y réponds consciemment. Ceci est ma lettre aux dirigeants. Tout ça en loi nous attache, j'y réponds explicitement. Ceci est mon texte au président. Tous vos mots sont injures, j'y réponds consciemment. Ceci est ma lettre aux dirigeants. Tout ça en loi nous attache, j'y réponds explicitement. Ceci est mon texte au président. Tous vos mots sont injures, j'y réponds consciemment. Ceci est ma lettre aux dirigeants. Tout ça en loi nous attache, j'y réponds explicitement. Ceci est mon texte au président. Tous vos mots sont injures, j'y réponds consciemment. Ceci est ma lettre aux dirigeants. Tout ça en loi nous attache, j'y réponds explicitement. Ceci est mon texte au président. Tous vos mots sont injures, j'y réponds consciemment.